En action, page 16. Images, Parc Saint-Fiacre, trois illustrations, mêlant dessins et photographies, représentant la nouvelle configuration envisagée pour le complexe festif. Une vue extérieure et deux vues intérieures, salle et hall d'accueil. Parc Saint-Fiacre, premières images. Le projet de réaménagement du Parc Saint-Fiacre prend forme. Les premières esquisses et plannings du futur complexe festif ont été dévoilés. Ce projet emblématique pour la ville se dessine plus nettement après plusieurs années de travail. Un foirail réduit et une nouvelle salle polyvalente d'environ 900 places, pouvant accueillir des manifestations de grande envergure grâce à un espace modulable. Ces deux espaces distincts seront également complémentaires et pourront être mutualisés pour former au besoin un seul ensemble. Suite à la consultation menée en 2014, un cabinet d'architectes a finalement été sélectionné parmi les 162 candidatures reçues par la ville. Il s'agit du cabinet SCM Coquart Colleux Charrier, basé à Saint-Brieuc. Lors du conseil municipal du 22 décembre dernier, les premiers plans du futur aménagement ont été dévoilés. Ces esquisses ne représentent pas encore fidèlement le bâtiment qui sortira de terre. En effet, des détails seront à revoir avant le projet final. Toutefois, cela permet d'avoir une première vue d'ensemble de ce projet tant attendu pour la ville. Les deux nouveaux bâtiments de plein pied s'étendront au total sur environ 6000 m². Les deux espaces, salle et foirail, seront reliés entre eux et partageront des espaces communs, hall, billetterie, vestiaire, sanitaire, cafétéria. Ils donneront un tout nouveau visage au Parc Saint-Fiacre. Cet ensemble architectural viendra s'intégrer au mieux sur les rives de la Mayenne. Une grande baie vitrée dans la salle viendra encore accentuer cette ouverture sur la rivière et la vieille ville. De plus, la façade du bâtiment a été pensée afin de s'intégrer au mieux dans le paysage actuel des quais grâce à une façade en pierre beige et à l'installation d'un auvent bardé de cuivre à l'image de l'extension de l'hôpital.